les deux amis. Axiocus et Alcibiade, jeunes, bien faits, galants et vigoureux, par bon accord comme grands camarades, en même nid furent pondre tous deux. Qu'arrive-t-il ? L'un de ses amoureux tant bien exploite autour de la donzelle qu'il en acquit une fille si belle qu'ils s'en vantaient tous deux également. Le temps venu que cet objet charmant pût pratiquer les leçons de sa mère, chacun des deux en voulut être amant. Plus n'en voulut l'un ni l'autre être père. « Frère, dit l'un, ah, vous ne sauriez faire que cet enfant ne soit vous tout craché. »« Pardieu, dit l'autre, il est à vous, compère, je prends sur moi le hasard du péché. »